want you to collect magazines from everybody. Is he fucking crazy? What the hell are we supposed to use, man? Harsh language? Flame units only. I'm on rifle slung. Sir, I just do it, Sergeant. And no grenades. All right, sweethearts. You heard the man. Pull him out. Come on, let's have him. Thank you. Well, it could be all roads eventually, and it could be meetings are destined to be. Well, it could be. Well, it could be. Well, it could be. There's nothing new in these stars, and it could be. I'll stay wherever you are. Well, it could be. Smile beside you in the rain. Well, it could be a new world right out your door. It could be all that for us to explore. Against them. L'uomo solo, l'uomo solo, l'uomo solo, disperatamente affingato a un'idea sfumata. Dalla brava di riaverla, l'ama ancora più di se stesso. Molto per guarire solo l'amore. L'uomo solo non ha più il coraggio, non ha voglia di vivere. Cuore suo sgorgano rabbia e dolore. Cosa può dire, cosa può fare? Solo gridare la sua angoscia, la sua amarezza. La lacrima intensa. nascono rabbia e solitudine. Grida quell'uomo solo, yeah.

Non, c'est Bruno là, qui me... faut que je trouve quelqu'un. Là. Ah, c'est Bruno. Donc, c'est ce que je disais. Oui, ils sont présentement au Bal du Lézard pour lancer, le lancement de leur premier EP. Mais c'est pas des débutants, les gars des dos, comme vous avez pu le constater peut-être la semaine dernière si vous avez écouté. C'est des membres de Leitmotiv qui, quand même, ont joué à plusieurs reprises dans la région de Québec. Et puis là, c'est un retour. Philippe a passé quelques années à Montréal. Là, c'est de retour à Québec et je pense qu'on va aller. On aura quelques occasions d'y voir, donc, et notamment dans le cadre de la convention le 19 mai. Et là, on peut parler un peu de ce que je joue aussi. Il y avait Montjoie, une petite découverte italienne. C'est, à ma connaissance, c'est le premier disque de ce groupe, Affetto et Attrazione. Des pièces courtes, mais ils trouvent le tour de quand même tout développer comme une pièce progressive, mais résumée sur 4-5 minutes. Et puis, puisqu'on parle d'Italie, il y avait Il Castello di Atlante qui, vous le savez, sera à la convention le 19 mai, tout juste avant The Flower King. Avant ça, il y avait aussi Fido. Eux autres, c'est le samedi, en après-midi. Pas en après-midi, en soirée. Et RPWL qui va couronner cette première journée, évidemment. Un groupe attendu avec impatience. Et moi, je commence à passer mes disques en revue à chaque semaine. J'en passe un nouveau, puis je le réécoute une couple de fois pour m'en mettre dans le bail. Et je pense que ça va être une foutue de belle fin de semaine. Et j'ai même l'impression que ça va être la plus belle fin de semaine de l'histoire de la convention. On continue en musique avec cette fois-ci. Bon, on va faire un petit tour du côté des États-Unis avec un groupe qui me surprend de plus en plus. C'est pour des gens qui roulent leur boss depuis longtemps, c'est quand même surprenant. Glasshammer, qui ont trouvé le tour encore de nous surprendre avec Perilous. Un des probablement le meilleur de la formation avec le nouveau chanteur. Et puis j'espère un jour qu'on va les voir se pointer à Québec. Qu'on va toucher du bois. En tout cas, vous pouvez me faire confiance, c'est sûr que je vais travailler en ce sens. Donc, on écoute un extrait du plus récent Glasshammer. Il va y avoir aussi, tout juste après, il va y avoir Shadow Circus. C'est une nouveauté, ça. On a passé très près des voix lorsqu'il avait été annoncé pour la première partie de The Watch, mais finalement, l'ouragan Sandy leur a comme coupé leur projet avec un arbre qui est allé écraser leur camion. Donc, on va se reprendre ça aussi, j'ai bien l'impression, surtout que le disque est vraiment quelque chose. Je m'attendais pas à aussi gros que ça, donc c'est vraiment une belle surprise. On a Dark and Stormy Night, Shadow Circus. C'est évidemment, vous êtes à CKRLMF 89.1. C'est l'émission Terra Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. The stones that had weighed me down. These are the longest days I'll ever know. CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ set dédié. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e avenue, le 40e anniversaire de CKRL. Un événement à ne pas manquer. I think he always knew he would. And, you know, he was kind of like a guy who... I always think of somebody who's on a train. You know, and you know you have to jump off, but pretty soon the train gets going so fast that you know if you jump off you're gonna die, you know. Hi, this is Robbie Krieger from the Doors. You are listening to CKRL FM 89.1 in Quebec. City of night. City of night. City of night. Cette soirée vous est présentée par la Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelle du 4 octobre 1957. L'écrivain et scientifique Isaac Asimov prévoit l'ouverture d'une brasserie coopérative de travail dans le quartier Saint-Roch à Québec autour de l'année 1997. À l'étranger maintenant, c'est le début de la conquête spatiale avec le lancement de Sputnik 1. Un reportage de Michel Marcoux en direct de Baïkonour. Le lancement de Sputnik 1. Merci Michel. Nous vous avons présenté le Radio-Journal. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. Et c'est moi, et je suis de retour. Sacré Bruno. Bah, on va jeter un petit coup d'œil. Ça va être très bref, en fait, parce que c'est deux groupes. Shadow Circus, de leur nouveauté, c'est encore tout chaud. In a Dark and Stormy Night. Et on avait Glasshammer, Perilous. Et c'est deux groupes américains. Et puis, chacun, ben, c'est sûr que Shadow Circus est peut-être un petit peu plus jeuneau comme groupe, mais une belle maturité sur ce disque-là. Puis Glasshammer, ben, eux autres, c'est des vieux routiers, on n'en parle pas. Là. C'est rare qu'ils font des disques décevants. En fait, je pense que j'en ai un en mémoire là, que j'ai pas apprécié d'eux, mais c'était plus folklore un peu. Je pense une petite aventure qui s'était payée là, pour le plaisir de la chose. Et puis, on va rester aux États-Unis avec une nouveauté. Et ça, je dois dire que ça a été mon coup de foudre de la semaine de T-Club, le disque Quickly, Quickly, Quickly. C'est leur troisième essai. Le premier m'avait pas vraiment embarqué, mais le deuxième, avec ses accents de Scandinave, ça m'avait vraiment plu. Et celui-ci, ben, chapeau les gars. Donc, de T-Club, Quickly, Quickly, Quickly. Je sais pas pourquoi, ça va pas plus vite quand tu le dis trois fois, là, mais... Et puis, on va avoir par la suite un autre... Il va y avoir quelques nouveautés encore, là, dont Lo-Fi Resistance, le second disque, Chalk Lines, et, bon, Galahad, et Edo, qui est présentement à l'Auberge du Lézard pour le lancement de son nouveau EP. Et vous allez... Enfin, pour ceux qui ne sont pas sur place, vous allez en avoir un petit avant-goût là, vers la fin de l'émission. C'est Terrain Incognita avec Michel et Bruno. On est avec vous jusqu'à minuit. C'est évidemment, c'est sur les ondes de CKRLMF 89.1. Et on y va avec The Tea Club. changes, or was I dashed upon the rocks? It all went blue. It all went blue. If you can't see the night, recommend turn on the television. There's a man outside. He calls himself the Witch Finder General. He can put you to sleep with his sleight of hand. Thank you. taste the bitterness. And though you go on and on, I hear the world tell me you're just a voice inside my head. Thank you. is calling me. When temptation is the brightest light, preying on my vulnerability. The love forbidden excitement is in danger of taking hold. Living life in the danger zone, surrounded by fool's gold. You are my guardian angel, and will forever be. You are my guardian angel, thank you for having faith in me. Chaos, you were always there at my side to lead me right out of the dark and back into the light. I know at times I've been off the rails and sometimes out to sea, but I know you were always calling and looking out for me. Tout le monde, c'est Antoine Graton. Je vous invite le 15 février à l'espace Hyperion pour célébrer avec moi le 40e anniversaire de CKRL, la première radio communautaire francophone au pays. J'offrirai une prestation musicale démoniaque et mon ami Dee sera DJ pour la fin de soirée. Je vous attends. Procurez-vous les billets pour cette soirée retrouvaille au coût de 10$ par PayPal sur notre site ckrl.qc.ca ou à la station au 405 3e Avenue. Venez fêter le 40e anniversaire de CKRL avec nous. 89.1. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Vous aimez ce que vous entendez et vous aimeriez encourager votre radio préférée? C'est simple comme bonjour. Soutenez votre radio favorite en faisant un don en ligne sur ckrl.qc.ca et cliquez sur le bouton sécurisé PayPal ou téléphonez au 418-640-2575. Un petit geste d'amitié pour une grande radio. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Bienvenue au bulletin nouvelles du 15 juin 1997. Après des années d'attente, la microbrasserie La Barberie ouvre enfin ses portes dans la capitale de Québec et prévoit mettre en vente la bière La Sincère dès aujourd'hui au Bal du Lézard. Voici les sports avec Mike Marcoux. Tiger Woods devient le numéro 1 mondial après seulement 42 semaines chez les professionnels. Il est bien évident que le jeune homme ne s'intéresse qu'au golf. Alors, mesdames, inutile de rêver. C'était Mike Marcoux en direct d'Ouest. Merci, Mike Marcoux. Nous vous avons présenté le radiojournal de ce 15 juin 1997. Bonsoir. La Barberie à 15 ans, maintenant. De retour. Et je pense que vous avez peut-être reconnu Galahad. C'est leur plus récent, le Beyond the Realms of Euphoria. Très belle pochette. C'est l'œuvre d'une peintre qu'ils ont découvert lors d'une exposition. Et je pense que c'est le premier d'une série, j'ai bien l'impression, parce que selon ce que Stu m'a écrit, ça a été comme le coup de foudre. Il y a quelques projets et les pochettes sont déjà comme en chantier. Et il y avait tout juste avant mon coup de foudre de la semaine de Tea Club. Quickly. ça sonne un peu comme Squiddly Diddly. Ça, c'était mon surnom pour Bruno, là. Il y a quelques années. le Squiddly Diddly des tables tournantes, Bruno. Et bon, The Tea Club, c'est leur troisième disque. Bruno, il s'est sauvé parce qu'il est accablé. Il vient rouge quand je parle de lui. Ça, il veut même pas que vous le voyez en ondes. Donc... Et oui, je parlais de T-Club, donc troisième disque. Et puis c'est un autre jeune groupe qui prend du galon, là, disque après disque. Le premier, comme je vous disais tantôt, ne m'avait pas vraiment convaincu, mais le deuxième était comme plus près de ce qui se passait à l'époque, là, dans le côté scandinave. Puis celui-ci, ben c'est plus, on sent plus que le côté américain, mais c'est vraiment... ils ont trouvé comme une petite balance, là, un équilibre entre les deux, donc côté scandinave, côté américain. Et puis, je pense que c'est... On va peut-être avoir des nouvelles du groupe bientôt, donc The Tea Club, Quickly. On reste aux États-Unis, on poursuit, c'est la dernière demi-heure déjà. Et oui. Donc, on reste aux États-Unis avec un couplet, Lo-Fi Resistance, qui est en fait le projet de Randy McStein, un guitariste qui a fait une première carrière comme Guitar Hero, là, il a fait peut-être deux ou trois disques un peu à la Joe Satriani. Et puis tout d'un coup, il s'est découvert comme c'était pas nouveau comme intérêt, mais il s'était comme mis ça de côté un peu. Et il a décidé de faire plus dans le pop progressif et il a laissé tomber tout le côté Guitar Hero. Et il nous est arrivé dernièrement avec un deuxième essai, Chalk Lines. Et là, je me suis dit, on va faire un petit couplet donc de ces deux disques, Deep Breath et Chalk Lines. Donc, on y va avec ce couplet de deux pièces de Lo-Fi Resistance. Et puis, ben, il va y avoir autre chose aussi, évidemment. On a encore une demi-heure. Words, only words, could drive a stake right through the heart of anyone left in its path like time. When it's time, pull open doors and say hello to all the things they leave behind. Cause everyone thinks that God will change its mind. Nothing more than glass, broken glass, cutting jagged little lies into my face until I look away. When all I want is someone here to say. today, I was about to lie, and then I changed my mind. Everything's a blur to me, and I don't want to see. and confusion will be still don't try. Don't let your heart get heavy, child, inside you there's a strength that your soul get lonely, child, it's only time it will go by. Don't look for love in faces, places, it's in you that's where you'll in me, and I will try not to lose faith in you. Don't put your trust in walls, 'cause walls will only crush you when they thank you. vous en ai parlé tantôt, Edo, un groupe de Québec qui se faisait appeler avant Leitmotiv. C'est un extrait de leur premier EP, donc la pièce Zeppelin Rouge. Il était au Bal du Lézard ce soir pour le lancement de ce EP d'ailleurs. Et avant, on avait Ré la Montagne, c'est pas un Québécois, non. de son disque Till the Sun Turns Black. Moi, cette pièce-là, à chaque fois que je l'entends, j'ai les... le poil me dresse ses bras, puis j'ai des frissons tout le long de la colonne. C'est vraiment magique. Et puis, on avait un couplet de Lo-Fi Resistance, le projet d'un guitariste de l'État de New York, Randy McStean. Pour son plus récent, le Chalk Lines, et il a fait appel à Gavin Harrison et Colin Edwin de Porcupine Tree. Excusez, hein? Et pour l'autre, on avait Nick de Virgilio, l'ancien chanteur de Spokesbeard, qui était tout au long à la batterie, mais qui chantait aussi pour la pièce qu'on écoutait, le Too Simple. C'est déjà le temps de vous quitter. Et oui, la semaine prochaine, même heure, même poste, donc, Terrain Incognita. Mais restez des nôtres, l'autoroute s'en vient dans quelques instants. Téléchargez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Stout Impérial. La sangribière. Les artisans de La Barberie se font un plaisir de concocter des recettes originales de bière pression à fermentation haute. India Pale Ale. Les bières sur lit sont disponibles en format de 500 ml et de 750 ml dans différents commerces de vente au détail, ainsi que dans des restaurants et des cafés. La Barberie, 310 rue Saint-Roch, 418-522-4373, labarberie.com. La rousse forte aux fruits. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Le 15 février prochain, CKRL souligne 40 ans de radio. Animateurs, auditeurs, amis anciens et actuels, venez célébrer avec nous l'anniversaire de CKRL à l'espace Hyperion, 190 Saint-Joseph-Est. Dès 17h, une soirée retrouvaille unique où rencontres et bons souvenirs seront au rendez-vous. Service de traiteur sur place, prestations d'Antoine Graton et DJ Set Teddy. Procurez-vous dès maintenant vos billets au coût de $10 par PayPal sur notre site.